enfants aimaient son chien. On l'a tué, il l'a jamais oublié. Mon oiseau. L'enfant aimait son chat. On l'a tué, il l'a jamais oublié. Mon cobaye. L'enfant aimait son hamster. On l'a tué, il l'a jamais oublié. Ma tortue. L'enfant aimait sa souris. On l'a tué, il l'a jamais oublié.